Voilà les choses sérieuses, poteau. Accroche-toi, ça va faire mal. Ok, je suis venu pour kicker, pas pour pique-niquer. Vrai mec de cité, venu pour le revendiquer. Ouais, ouais, y'a de l'idée, du rap de qualité. Qualifié, ouvrant tes oreilles à la Mickey. Ok, écoute ça, sur le beat de Busta. Pas gangsta ni resta, Chroma redonne ça. Sale, j'aime quand les MC râlent. Ma dalle va faire mal, ils finiront criblés de balles. J'ai la bombe nucléaire, si je veux, je fais tous tes sauts. Ah ouais, tu me crois pas? Vas-y, envoie un micro. Que tout le monde lève les bras, abracadabra. Elle agit la chromagie et brille en plein éclat. Tu veux du rap certifié, en voici le produit. Même si t'es pas qualifié, c'est ce qu'on en déduit. Tu kiffes, tu me suis, tu kiffes pas, bah tu me fuis. Le rap c'est la course, il faut suivre le circuit. Tu veux du rap certifié, en voici le produit. Même si t'es pas qualifié, c'est ce qu'on en déduit. Tu kiffes, tu me suis, tu kiffes pas, bah tu me fuis. Le rap c'est la course, il faut suivre le circuit. Je vise les buts et pas le poteau. Je rappe pour les poteaux qui attendent leur jugement et purgement un dépôt. Les vrais qui prennent sur eux, qui ne feront jamais d'aveu, même devant le baveux, qui savent rester silencieux. Rusé, la vérité, la technique est abusée. Je fais que m'amuser à la vitesse d'une fusée. Impressionnant, étonnant, je débite trop mes chats maman. Je froisse le beat, je croque dedans en point de mon fer, mal aux dents. Ouh, si ça c'est pas du kickage, même si t'es en retard, va prendre des cours de rattrapage. C'est un carnage dirigé par Mister, c'est pire que du rap, je me suis mis au film d'horreur. Tu veux du rap certifié, en voici le produit. Même si t'es pas qualifié, c'est ce qu'on en déduit. Tu kiffes, tu me suis, tu kiffes pas, bah tu me fuis. Le rap c'est la course, il faut suivre le circuit. Tu veux du rap certifié, en voici le produit. Même si t'es pas qualifié, c'est ce qu'on en déduit. Tu kiffes, tu me suis, tu kiffes pas, bah tu me fuis. Le rap c'est la course, il faut suivre le circuit. Hey. Ok, ok. On est en plein dans le circuit. C'est, en voici le produit. Hey. On est en 2008. C'est RO, je dis pas le reste, tu connais la suite. C'est good. Aïe, t'es toujours là ou quoi? Hey, t'avais prévu de t'accrocher que ça allait faire mal, poto. Hey, on a le seum ici, Mister Chroma, tu connais déjà Chassis Oman. Wouh.